une ressource précieuse, indispensable pour notre santé, notre économie et nos écosystèmes. Les épisodes de sécheresse, amplifiés par le dérèglement climatique, la mettent sous tension. Cette année encore, les ressources en eau disponibles sont basses. Le niveau des nappes phréatiques est bas. Nous devons donc tous faire attention à notre consommation d'eau. Collectivités, particuliers, agriculteurs, industriels, chaque geste compte. Préservons nos ressources. Rendez-vous sur préservonsl'eau.gouv.fr. C'est l'été, alors on se lâche un peu. Et au moment de partir, chacun croit détenir la vérité quand il a bu. Oh, j'ai l'habitude de boire, mais ça me fait plus rien. Ouais. Bah moi je rajoute du soda, c'est moins fort. Bah moi de toute façon je vais pas loin, c'est pas grave. Stop aux idées reçues. Il y a toujours une solution pour bien rentrer. Vous avez bu ? Dormez sur place ? Rentrez en taxi, VTC ou en transport ? Ou désignez un capitaine de soirée ? Et au moindre doute, testez votre alcoolémie avec un éthylotest. Association Prévention Routière, à vos côtés pour des vacances en toute sécurité. Bonsoir à tous. Le drame s'est joué en quelques minutes. Un gîte accueillant pour les vacances une trentaine de personnes en situation de handicap a pris feu ce matin à Winsenheim dans le Haut-Rhin. Il était environ 6h30. Les pompiers sont intervenus rapidement après le départ des flammes, mais la structure avait déjà été quasiment entièrement détruite et le bilan est très lourd ce soir. Lucie Lefebvre. Oui, 11 morts, c'est le bilan de ce terrible incendie. Des victimes qui ont été piégées par les flammes. Selon le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, elles se trouvées toutes à l'étage de ce bâtiment en bois qui s'est embrasé en quelques minutes et n'ont pas pu ressortir du gîte, contrairement aux personnes qui étaient au rez-de-chaussée et qui ont pu rapidement quitter les lieux. Au total, 17 personnes ont été évacuées. Elles sont toutes saines et sauves, à l'exception d'une personne qui se trouve ce soir en urgence absolue. Elle a été transportée vers l'hôpital. Et pour le moment, l'origine du sinistre est inconnue. Une enquête est en cours. À noter également que la première ministre Elisabeth Borne s'est rendue sur place cet après-midi pour apporter son soutien aux familles des victimes et aux secours. Dans l'actualité également, plus qu'un jour pour déclarer vos biens immobiliers. La date limite qui a été repoussée plusieurs fois par le gouvernement est fixée à demain soir. Problème, impossible de se connecter sur le site des impôts. La plateforme est victime une nouvelle fois d'une panne technique. À l'étranger, deux semaines après le coup d'État au Niger, le régime militaire qui a pris le pouvoir accuse la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien du pays. Elle avait été décidée face à la menace d'une opération militaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui doit d'ailleurs se réunir une nouvelle fois demain lors d'un sommet pour décider de la suite des événements. Le foot, c'est en Grèce que Marseille lance sa saison ce soir. Les Olympiens affrontent le Panathinaikos dans le cadre du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h. Et puis en basket, les Bleus continuent leur préparation en vue de la Coupe du Monde. Les coéquipiers de Nicolas Batum affrontent la Lituanie à partir de 20h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bonne soirée à tous. Les vergers du Petit Laurent à Aigurande vous informent que la cueillette des poires Guyot et des prunes d'Onte est ouverte. Les fruits sont disponibles également au hangar ainsi que les mirabelles en vente libre. Le Petit Laurent vous propose aussi des produits régionaux, confitures, compotes, vins et fromages ainsi que les légumes de saison. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Le Petit Laurent, c'est à Aigurande sur la route Montpont-Saint-Olé. Téléphone 05 53 90 82 85. Du 12 juillet au 20 août, l'exposition Métiers d'art et compagnie se tient au cloître de Chalais dans le Sud-Charente. Des ateliers, des démonstrations et des animations sont proposés afin de découvrir les magnifiques créations de 26 artisans d'art. Bijoux et accessoires de mode, cuir, maroquinerie, décoration, verriers d'art sont au cœur de cette exposition. Entrée gratuite tous les jours de 10h à 19h sans interruption. Du 12 juillet au 20 août, l'exposition Métiers d'art et compagnie vous accueille au cloître de Chalais dans le Sud-Charente. Plus d'infos sur le site internet www.centremétiersd'art.fr. Bienvenue sur Isabelle FM. Vos dédicaces jusqu'à 19h. Bon bonsoir à tous. Bienvenue sur l'antenne d'Isabelle FM avec Valérie pour les dédicaces jusqu'à 19h. Je vous rappelle que les dédicaces durant l'été, c'est du lundi au vendredi de 18h à 19h. Et cette semaine, eh bien, il y a des jeux pendant les dédicaces, hein, plutôt un jeu à 18h30. C'est tous les soirs, donc un jeu à 18h30 avec à gagner ce soir au choix, soit un t-shirt ou un sac banane sport. Les jeux, donc, tout à l'heure à 18h30. On commence tout d'abord l'émission de dédicace avec le chanteur Oussa Nova et le titre Ça mon pays. C'est de la part de Ticalou pour tous les auditeurs réunionnais d'Isabelle FM. Je vous souhaite un bon début de soirée sur le 411.3 et le 102.9. Moi là quitte mon pays, moi parti loin. Des fois mon l'esprit romagine, tonnel sous-sou, là où ça l'Asie. Sinon ça, la sable en la saline, ça mon pays, la Réunion, m'y repense quand moi t'es basse l'école. La ravine, t'es sa rote tamarin. Bilin, bizirin, belle carambole. Sinon ça, pique un tête, un fond de bassin. Ça, mon pays, la Réunion. Mon bouche, il fait de l'eau, quand m'y calcule seulement. Où gaille son vaquin, et qu'un petit rhum s'arrête, et qu'abri ma salé, sans mes fruitiers le guêpe, mon zalidon feuille fig, là où se met volcan, monte la forêt belouve, noyée dans les brouillards, allez, rôde couillavier, batte carré d'un long gosse. Avec l'émotion mon cœur bat comme tambour mal bas. Si m'y croise un tec-tec, si m'y voit un bec rose. Miro wa bonne pied de bois, il plie d'un temps cyclone. Le vent dans la montagne y souffle en farfouillasse. La pluie donne pas qu'aider, oh la pipe personne. Partout donne bon la mer, là où l'y donne du gaz. La mi arrête un coup, mi arrive par soi. Plus loin dans la rivière, pêche à la popose vous. Les gars, la peau fait péter l'ambiance maloya. Ça pour moi, plus gadium que n'importe quel blues. Quand mi gars ont dit mon cœur, les gros. Mon pays l'est envahi avec l'auto. Si un jour m'y revient mettre mon savate, faut pas semain black, y arrive ma fat. Ça mon pays, la Réunion. Marc Rosson et Bruno Mars avec Hampton Funk, c'est pour le plaisir de la zen, la calme, pour toute sa clique, météo vaillante, Françoise de Grignol pour les auditeurs et pour l'équipe, en souhaitant à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup à vous également. Masterpieces, styling, wildin', living it up in the

53 03 42 44. À vous de jouer. À vous de jouer. Si vous voulez gagner un t-shirt ou un sac banane sport, c'est vous qui choisissez le cadeau que vous voulez. Pour gagner, eh bien, ce cadeau, il faut, eh bien, me donner la bonne réponse au standard. C'est une question d'actualité. C'est relativement facile. On va poser la petite question. Quel pays? Eh bien, l'équipe féminine de France de football va-t-elle affronter samedi? Est-ce l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne ou l'Australie? 05 53 03 42 44. Quel pays l'équipe féminine de France de football va-t-elle affronter samedi? Est-ce l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne ou l'Australie? Vous avez tout le temps du disque pour me donner la bonne réponse et on écoute Maître Gims avec Bella et c'est demandé de Nathanaël pour ses parents avec de gros bisous. Bella, Bella, Bella, Bella, ouh, Bella, ouh, Bella, ouh, Bella, ouh, Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change, le plus grand délinquant, un gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. On pouvait tout donner, elle n'avait qu'à demander. Puis aussitôt on démarrait, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Oui c'est un phénomène qui aimante nos rêves. Cette femme était nommée Bella la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient. Mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, assez pire que des disciples. Qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles. Elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur la. Allez, il vous reste moins d'une minute si vous voulez gagner un t-shirt ou un sac banane sport. Je vous répète la question. Quel pays l'équipe féminine de France de football va-t-elle affronter samedi? Est-ce l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne ou l'Australie? 05 53 03 42 44. Vous avez tout le temps du disque pour me donner la bonne réponse. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Allez, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme Yep, bête comme Yep, je suis l'ombre de ton yach, l'ombre de ton yach, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, rends-moi bête comme Yep, bête comme Yep, je suis l'ombre de ton yach. Cette fille-là. Les jeux terminés pour ce soir. Je vous répète la question. Quel pays l'équipe féminine de France de football va-t-elle affronter samedi? Est-ce l'Angleterre, la Côte d'Ivoire, l'Allemagne ou l'Australie? Il fallait évidemment me donner l'Australie, la bonne réponse. C'est le pays organisateur et on souhaite une bonne chance à l'équipe féminine. On félicite également Gérard, Sophie et Aurélie qui avaient tous les trois la bonne réponse. Les jeux, je vous rappelle que c'est du lundi au vendredi pendant Elikas, tous les soirs à 18h30. On reprend justement le cours d'Elikas avec les Black Eyed Peas Guarantee, c'est leur dernier single et c'est de Jérôme pour Laetitia. Baby, I give you satisfaction, guarantee. Tell me what you want. Higher love, the elevation, baby. Tell me what you want. Give me all your stimulation, baby. Tell me what you want. All your love and dedication, baby. I give you satisfaction, guarantee. Linda Vecchi, si tu m'aimes deux, c'est de la part de Zoé qui fait de gros bisous à tout le monde et à l'équipe. Merci Zoé. Hey. Hey. J'sais pas cache et l'impression d'aimer quand ça fait mal. Parfois je me prends la tête, je me dis je suis pas normale. Je n'arrive jamais à prendre mes distances. J'ai l'impression à ses yeux d'être inexistante. Il aura beau me parler, je veux rien entendre. Il aura beau me dire que c'est fini, qu'il me donne le minimum, je veux bien le prendre. Ma tête le sait mais mon cœur a besoin de lui. Je sais que je me fais du mal, mais bon je suis piqué. La flèche de Cupidon ne m'a pas loupé. Oui j'essaye en vain de l'oublier, mais ça me bouffe le cœur rien que l'imaginer. Hey, hey, rien que l'imaginer. Ouais, ouais. C'est mort, ouah, ouah, ouah. Pour lui je meurs, ouah, ouah, ouah. C'est mon plus beau trésor, ouah, ouah, ouah. Lui qui vaut de l'or, ouah, ouah, ouah. Et c'est ma maladie, c'est aussi mon médicament. C'est ma maladie, c'est aussi mon je l'avoue, je l'aime beaucoup plus. Il m'a fait danser, m'a mise dedans, puis m'a dit à plus. Je n'arrive jamais à suivre la cadence. Dans mes rêves les plus fous, je le vois m'offrir une dernière danse. Je suis lâche, je m'attache. Le temps passe et moi je suis toujours au même stade. Je sais pas me détacher, je suis dans le passé. Mon cœur, il n'y a que moi qui peux le réparer. On dit qu'il ne faut pas faire d'une personne sa priorité. Si pour elle tu n'es qu'une option, changer d'identité, toute sa vie je serai son nom. C'est le seul qui me montre ma tension. Quand je le vois, je suis comme un enfant. Moi, j'ai besoin de son attention. On m'a dit de faire attention. C'est le seul qui me montre ma tension. Quand je le vois, je suis comme un enfant. Plus de musique, plus de tubes. Plus de musique, plus de tubes. Toutes vos dédicaces sur Isabelle FM au 05 53 03 42 44 ou par SMS au 06 31 31 35 35. Et je vous rappelle que les dédicaces durant tout l'été, c'est du lundi au vendredi de 18h à 19h avec jusqu'à la fin de la semaine des jeux tous les soirs à 18h30. On retrouve Mickey Chance avec Feeling for You. C'est son dernier titre et c'est pour le plaisir de Maxime. It's been a long time since I've seen the colors of the sunrise baking at the dawn. It's been a long night on the road to nowhere, but you found me somewhere in the dark. You caught me in the moonlight, pulled me out from under. Now I'm left to wander, looking for your love. Falling through the hours, stuck inside my blue mind. Never wanna lose time, never get enough. I don't know what it means, but I know you're the only reason. I can't escape the feeling. feeling, I'm feeling for you. Never felt so deep, and now I'm starting to believe it. I can't escape the feeling, I'm feeling for you. You pull me under, looking for your love. Falling through the hours, stuck inside my blue mind. Never wanna lose time, never get enough. I don't know what it means, but I know you're the only reason. I can't escape the feeling I'm feeling for you. Never felt so deep, and now I'm starting to believe it. I can't escape the feeling I'm feeling for you. Soul King, son tout dernier single avec Casanova et ses demandés de Nico pour tous ceux qui aiment. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à marmer en fait des bébés. Mais la tête est sur les épaules, je vais pas rester l'éternité. Mais je vais marquer mon époque. Ah ouais, ah ouais. Hey. Fallait pas déconner. Hey. J'ai déjà décollé. Fallait pas déconner, hey, hey, hey, j'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, j'dois faire des lovas tous les matins, hey. Pour acheter bijoux à la Mamalova. Ta gosa m'a pris pour son Casanova. Pour un pigeon, hey. Elle me dit bébé, s'te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais, hey, hey, hey. Fallait pas déconner. Calibré, je veux pas partir en premier. Une arme de poing, on laisse les lourdes grenier. Faux frérot, je veux plus sur mon palier. Glock, je suis bien accompagné. Je suis avec Soul King, on fait du sale. L'ennemi voudrait nous voir au sol. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Fallait pas déconner, j'ai déjà décollé. Fallait pas déconner, j'ai déjà décollé. J'ai bossé tout l'été, j'dois faire des lobas. J'lève tous les matins pour acheter bijoux à la Mamalova. Ice, ice, ah. La goza m'a pris pour son Casanova. Et pour un pigeon, ouais. Elle me dit bébé, s'te plaît, fais-moi rêver. Ah ouais, yeah, yeah. Fallait pas déconner. Ça c'est pas une histoire de Magic System, hein? C'est Soul King. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Américain. On poursuit ses dédicaces avec Black M, son dernier titre qui s'intitule Tagada, et c'est demandé d'Aurélie pour Nicolas en espérant qu'il écoute. Elle est rentrée dans mon esprit, je sais pas pourquoi je m'investis. J'suis pas le genre à tout lâcher, mais pour elle j'suis prêt, je veux juste qu'on s'en lasse. Le linge est sale, y'a pas de lessive. En plus on est en public. Viens on fait la paix, viens avec moi faire le tour de la terre. Plus on s'attache, plus on veut se faire du mal. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Lorsque tes beaux yeux se tournent vers moi, je me demande à quoi tu joues. Tagada, pas ma faute si je suis un peu taquin. Elle est douce comme fraise, tagada. Quand c'est doux, y'a de quoi t'inquiéter. Tagada, tagada, pas ma faute si je suis un peu taquin. Elle est douce comme fraise, tagada. Quand y'a de quoi t'inquiéter. Tagada. Charismatique, je la laisse faire. Elle fait comme si je n'étais pas l'homme de sa vie, mais au fond c'est ce qu'elle espère. Je suis sûr d'être indécis, et si je n'étais qu'un imbécile. Même si on se fait la guerre, viens avec moi faire le tour de la terre. Plus on s'attache, plus on veut se faire du mal. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Lorsque tes beaux yeux se tournent vers moi, je me demande à quoi tu joues. Tagada, pas ma faute si je suis un peu taquin. Elle est douce comme fraise, tagada. Quand c'est doux, y'a de quoi t'inquiéter. Tagada, tagada, pas ma faute si je suis un peu taquin. Elle est douce comme fraise, tagada. Quand c'est doux, y'a de quoi t'inquiéter. Tagada. On en arrive déjà à la toute dernière dédicace de cette émission. C'est Sepi avec le titre Au plat. Et c'est demandé de Xavier pour Jean-Michel en espérant qu'il écoute et en lui disant qu'il va passer le voir ce soir. On se retrouve bien dans quelques petites minutes pour la rubrique Agenda Festivité. Allez, hop là, la la la. Du mat, je tombe du lit, toujours les yeux collés. Hier soir, j'ai encore abusé du combo Netflix et canapé. Aujourd'hui, j'ai pas le choix, faut bien assurer. Ma chemise est bien repassée, juste dommage pour cette tache de café. Oh, lec. Chérie, mets ta ceinture, mais papa, y'a que 300 mètres. Et lâche le téléphone, mais arrête de prendre la tête. C'est ton 3310, tu sais bien qu'il n'y a pas internet. Allez, hop là, la la la la. Neymar déjà saoulé, je veux me barrer. Putain, où sont passés ces foutus clés? Et qu'est-ce que je fais avec un sac de Mickey? Une trousse Pokémon, une banane, un yop, une pomme. Désolé, fils, qu'est-ce que tu vas faire sans ton goûter, sans tes affaires? Ça s'est bien passé l'école? Non, je suis fatigué. Tes parents aussi, tu sais. Alors pourquoi vous travaillez? Allez, venez dans ma chambre, tous les trois, on va jouer. Trois? Oh, on a oublié la petite à la crèche. Allez, hop. Les moustiques, viens, on s'en jaille. Viens, on s'en jaille. Les réseaux, les tendances, c'est quoi et quoi? Et quoi couper? J'aimerais faire le tour du monde sans me retourner. Mais, et l'empreinte carbone? Bon, allez, prends la tente, on va camper dans le jardin. Allez, hop là. Agenda, patrimoine, loisirs, culture, sorties. Juste avant de se quitter, on retrouve la rubrique Ajada Festivité. L'association Les Amis du Moulin de Salles, eh bien, vous propose une exposition sur une exposition de photos sur le thème de l'eau. C'est jusqu'au 13 août au Moulin de Salles. L'entrée est libre de 10h à 18h. L'association PETA met en garde contre le fait de laisser un animal dans une voiture en période de forte chaleur. Un chien enfermé dans une voiture en stationnement peut mourir d'un coup de chaleur en quelques minutes, y compris lorsque la voiture n'est pas garée au soleil. En effet, lorsqu'il fait 26 degrés, la température à l'intérieur d'une voiture à l'ombre peut être de 32 degrés et à l'intérieur d'une voiture garée au soleil peut atteindre les 70 degrés. Si vous apercevez un animal en détresse dans une voiture, appelez la police et puis si possible, essayez de retrouver le propriétaire de la voiture. Assurez-vous que quelqu'un garde un œil sur l'animal pour évaluer l'urgence de la situation. À l'occasion de la saison estivale, le département renforce son offre de services sur ses bases de loisirs avec une surveillance de la baignade tous les jours jusqu'au 3 septembre. Pour ce faire, une quarantaine de maîtres nageurs sauveteurs ont été recrutés pour assurer la sécurité sur ces bases de loisirs de la Jemaille, Roufiac, Saint-Estèphe et Gurson. Et puis, jusqu'au 18 août, le CPIE Périgord-Limousin vous propose des activités en famille sur plusieurs thèmes, sorties nature, balades, préhistoire, forges, activités autour de l'eau, visite du musée de la Charentaise, etc., etc. Le programme complet est à retrouver sur le www.cpie-périgord-limousin.org. Les activités se font sur réservation au 05 53 56 23 66. Les dédicaces, c'est fini pour ce soir. Dans quelques instants, les infos. Et puis, n'oubliez pas, de 20h à 22h, Stéphane vous présentera son émission Clubhouse Session jusqu'à 22h. Et de 22h à 23h, la Laurent Charc Selection. Je vous souhaite une belle soirée. Profitez bien du beau temps, hein, si vous êtes autour de la piscine, par exemple, ou d'un barbecue. Bon appétit également. Et on se retrouve donc demain soir pour les dédicaces de 18h à 19h. Ciao, ciao. Bonsoir à tous. Toute une commune sous le choc à Winsenheim dans le Haut-Rhin où 11 personnes sont décédées ce matin dans l'incendie d'un gîte qui accueillait des personnes handicapées. Sur ce groupe de 28 personnes, 17 sont rescapées. 300 mètres carrés se sont embrasés. On ne sait pas pour le moment quelle est l'origine de cet incendie. Une enquête est en cours. La propriétaire du gîte notamment est entendue par les forces de l'ordre. L'enquête devra déterminer si la capacité maximale du gîte et les normes de sécurité ont bien été respectées. La première ministre qui s'est rendue sur place a exprimé toute sa tristesse et sa solidarité. Une cérémonie religieuse a lieu ce soir en l'église Saint-Laurent de Winsenheim pour rendre hommage aux victimes et leurs familles. Kevin Escoffier visé par une nouvelle procédure disciplinaire pour comportements inappropriés envers des femmes. Procédure lancée par la Fédération française de voile. Le skipper fait déjà l'objet d'une enquête judiciaire pour des faits similaires survenus en mai dernier avec une jeune femme aux États-Unis lors de l'escale d'une course. 41 personnes disparues en Méditerranée, bilan d'un nouveau naufrage. L'embarcation partie de Tunisie se serait retournée à cause des conditions météo. 4 survivants ont été débarqués sur l'île italienne de Lampedusa. L'Italie fait marche arrière. Le gouvernement de Giorgia Meloni avait annoncé hier son intention de taxer à hauteur de 40% les superprofits des banques. Objectif, compenser le coût pour les ménages et les entreprises de l'envolée des taux d'intérêt. Réaction immédiate à la bourse qui a plongé dans la soirée. Finalement, la coalition de droite et d'extrême droite a décidé de plafonner la taxation à 0,1% des actifs. Le foot, c'est en Grèce que Marseille lance sa saison. Ce soir, les Olympiens affrontent le Panathinaikos dans le cadre du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 20h. Et puis le chanteur et musicien Sixto Rodriguez est décédé, tombé dans l'oubli après 2 albums sortis dans les années 70. Il avait à nouveau connu le succès grâce au documentaire Sugar Man qui a remporté un Oscar en 2013. Sixto Rodriguez avait 81 ans. Très bonne soirée à tous. Du 12 juillet au 20 août, l'exposition Métiers d'art et compagnie se tient au cloître de Chalet dans le Sud-Charente. Des ateliers, des démonstrations et des animations sont proposés afin de découvrir les magnifiques créations de 26 artisans d'art. Bijoux et accessoires de mode, cuir, maroquinerie, décoration, verriers d'art sont au cœur de cette exposition. Entrée gratuite tous les jours de 10h à 19h sans interruption. Du 12 juillet au 20 août, l'exposition Métiers d'art et compagnie vous accueille au cloître de Chalet dans le Sud-Charente. Plus d'infos sur le site internet www.centremétiersd'art.fr. Isabelle FM, la radio de vos rêves. 102.9 Périgueux et 93 Sud-Charente Périgord. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle. La douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène. Le plus beau des corps de corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi. Je tiens à peine. Mais ses désirs me retiennent. Et je cours. J'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Et je cours. J'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Ce n'est pas un game. Là tu t'engages. Quand tu m'aimes, faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours. J'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel.

91.3 à 102.9 ou d'un bout à l'autre de la FM. Le top niveau de la musique, c'est sur Isabelle FM. Je me raccroche aux détails du passé, nos souvenirs, le sourire aux lèvres. Tu reviens souvent dans mes pensées, mais qu'en est-il si la mémoire s'en mêle? L'orage s'en vient, nuages au loin s'abondent dans ma tête. L'histoire sans fin, la peur que tout s'arrête. Et si jamais je dois tout oublier, si le temps devait tout effacer, que le ciel m'emporte à tout jamais, si j'oubliais ton nom, et si soudain le temps nous écoutait, rappelle-moi tous les mots qu'on se disait, que le ciel m'emporte à tout jamais, quand j'oublierai ton nom. Si j'oublie, si j'oublie, si j'oublie, si j'oublie, j'oublie ton nom. Je me déleste des futilités. Qu'en restera-t-il? C'est dur à dire. Des images pour ne pas oublier. Tout ce qui souvent m'a fait souffrir. L'orage s'en vient, nuages au loin s'abondent dans ma tête. Tiens, histoire sans fin, la peur que tout s'arrête. Et si jamais je dois tout oublier, si le temps devait tout effacer, que le ciel m'emporte à tout jamais, si j'oubliais. Soudain, le temps nous est compté. Rappelle-moi tous les mots qu'on se disait. Que le ciel m'emporte à tout jamais. Quand j'oublierai ton nom. Si j'oublie, si j'oublie. Si j'oublie, si j'oublie. J'oublie ton nom. Si j'oubliais, j'oubliais ton nom. put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people of the opposite, cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit. And you would never know a God without a goddess. As honest as fucking honest, kidding, I could be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pockets empty. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you on my team, girl. Don't ever think you in hell of these niggas' dream, girl. They wanna pit us against each other when we succeed, and for no reasons they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Woman, let me be a woman. Sur 102.9, plus de musique. Sur 91.3, plus de tubes. Isabelle FM, plus de musique, plus de tubes. Pour le prix d'un je t'aime, j'ai déjà dit trop de fois, je le pensais. Comme si le temps à chaque fois les remplaçait. C'est pas que je dis des trucs faux, c'est que je tombe amoureux. C'est sûr que c'est la meuf qui me faut, et je me vois tout recommencer. L'amour nous fait danser entre ce qui est vrai et ce qu'on pourrait penser. On dit que ça ne se vit qu'une fois, mais je l'ai déjà vécu. Est-ce qu'on peut le vivre plus d'une fois? Ou est-ce que je n'ai rien vécu? Y'a rien de plus beau dans ma vie que de me lever à côté d'elle. Pourtant je l'ai déjà vécu avec une autre. Y'a rien de plus triste que de savoir que je vais pas finir avec elle. Moi je pensais que ça ne se disait qu'une fois. On ira où tu voudras. Je l'ai déjà trop dit, entendu trop de fois. On ira où tu voudras. Moi je pensais que ça ne se disait qu'une fois. Ça ne se disait qu'une fois. Je pensais que ça ne se disait qu'une fois. On a fait les 400 coups. On n'y croyait plus avant de se trouver. Le temps d'un hiver et je t'appelle ma femme. Ma femme. On a vécu comme des fous. Ce que je voulais de nous, je peux l'avouer. C'est sûrement l'hiver qui a éteint la flamme. Moi aussi j'étais pas tout. Crois-moi je me voyais déjà au bout. Ah moi aussi. Oh baby moi aussi yeah. Combien m'avait parlé, combien m'avait prévenu. Mais moi, moi je pensais que ça ne se disait qu'une fois. T'iras où tu voudras. J'ai déjà trop dit, entendu trop de fois. On ira où tu voudras. Moi je pensais que ça ne se disait qu'une fois. Moi je pensais que ça ne se disait qu'une fois.

and tears to reach your destiny. I do. 'Cause love is a minefield. Let's take this walk, baby. I do. 'Cause at the end of it all, I choose you and you choose me. Thank God I was woman enough to come answer your father's prayers. You asked the question, I can tell you were scared. 'Cause I never but I really wanna try with you. Yeah, I've never won why, but I wanna get it right. 'Cause I really wanna say I do. 'Cause I do. Bonsoir à tous. Marseille lance sa saison avec l'Europe ce soir en Grèce. Humbert et Monfils face à de solides clients à Toronto. Et puis un nouveau podium pour la France au Mondiaux de cyclisme. C'est en Grèce que l'Olympique de Marseille lance sa saison ce soir. Les footballeurs olympiens affrontent le Panathinaikos dans le cadre du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Une rencontre sur le papier abordable pour les Phocéens, mais il faudra se méfier, d'autant plus que Marseille est encore en rodage malgré sa préparation, comme l'explique l'entraîneur de l'OM, Marcelino. Nous devons être prêts, nous sommes une équipe en construction, nous avons passé un mois et quatre jours ensemble et si j'avais la possibilité, le match n'aurait pas été joué si tôt. Mais je savais depuis le début que ce serait ainsi. Notre mentalité reste de faire le maximum pour obtenir un bon résultat pour que la qualification se joue lors du match retour au Vélodrome. Rencontre prévue ce soir à 20h, donc Panathinaikos OM. Toujours en football, après sa qualification facile hier face au Maroc, l'équipe de France féminine prépare son quart de finale de Coupe du Monde désormais. Les Bleus sont arrivés à Brisbane, camp de base des Australiennes. Leur futur adversaire et co-organisateur de la compétition, la rencontre aura lieu samedi matin. En tennis, le Messin Hugo Humbert affronte ce soir Taylor Fritz lors du deuxième tour du tournoi de Toronto. L'Américain, 9e au classement ATP, représente un vrai défi pour Humbert. La tâche sera aussi très compliquée pour Gaël Monfils, opposé au grec Tsitsipas, numéro 4 au niveau mondial. Notez que ce matin, l'autre française Caroline Garcia a été éliminée par la tchèque Marie Bouskova à Montréal. En basket, la France en quête d'un 4 sur 4. Les Bleus affrontent la Lituanie ce soir en match de préparation avant la Coupe du Monde. Premier gros test après 3 victoires face à la Tunisie, le Monténégro et le Venezuela. Rencontre à 20h30. Et puis, après l'argent sur les mondiaux sur route, les Bleus récidivent en VTT cross-country. L'équipe de France, emmenée par Loana Lecomte et Jordan Sarrou, a pris la deuxième place sur le relais mixte du VTT cross-country. Des Français, encore une fois, devancés par leurs rivaux suisses. Bonne soirée. C'est l'été, alors on se lâche un peu. Et au moment de partir, chacun croit détenir la vérité quand il a bu. Ouais, j'ai l'habitude de boire, mais ça me fait plus rien. Ouais. Bah moi je rajoute du soda, c'est moins fort. Bah moi de toute façon je vais pas loin, c'est pas grave. Stop aux idées reçues.